إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا أن الإخلاص، إخلاص الأعمال لله عز وجل أصل الدين، ولذلك أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالإخلاص في قوله سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن عبادته قائمة على الإخلاص لله عز وجل، فقال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبذلك أمرت جميع الأمم. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وحق الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من كان أخلصهم لله عز وجل. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والإخلاص أيها المسلمون مانع بإذن الله عز وجل من تسلط الشيطان على العبد. قال سبحانه وتعالى عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والمخلص محفوظ بحفظ الله من العصيان والمكاره. قال سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que le fait d'être sincère dans ses adorations à Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des bases de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire preuve de sincérité. Il lui a dit subhanahu wa ta'ala, selon le sens: adore Allah en lui vouant un culte sincère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été ordonné d'expliquer aux musulmans et aux gens que son adoration alayhi salatu wassalam à Allah azza wa jal est basée sur la sincérité. Il dit subhanahu wa ta'ala, en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte sincère. Ainsi, l'ensemble des communautés ont été ordonnées d'adorer Allah Azza wa Jal avec sincérité. Il dit subhanahu wa ta'ala, il ne leur a été cependant ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, et voici la religion de vérité. Et les gens qui mériteront le jour du jugement, ceux qui mériteront le plus de bénéficier de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui aura été le plus sincère envers Allah azza wa jal. Abu Hurayra radiyallahu anhu a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: quels sont les gens qui seront les plus propices à bénéficier de ton intercession envoyée d'Allah? Et de répondre alayhi salatu wassalam: celui qui dit nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah en étant sincère avec son cœur. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, permet par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala que le diable n'ait aucune emprise sur le serviteur. Allah azza wa jalla dit en parlant de Iblis, le diable maudit, lorsqu'il s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala, par ta puissance, je les tromperai tous, hormis tes serviteurs qui sont sincères. Celui donc qui est sincère, Allah azza wa jalla le protège de par sa protection. Allah azza wa jalla le protège de toute forme de désobéissance. Allah azza wa jalla le protège de tout mal. Ainsi Allah azza wa jalla a dit, en parlant de Yusuf alayhi salam, ainsi, nous avons écarté le mal et la turpitude. Ainsi, nous avons écarté le mal et la turpitude de lui. Il était certes un de nos serviteurs sincères. C'est donc notamment la sincérité de Yusuf alayhi salam dans l'adoration à Allah azza wa jal qui lui a permis, par la volonté d'Allah azza wa jal, d'être préservé de tout mal et de connaître l'issue favorable et joyeuse que vous connaissez tous. والإخلاص سبب لتفريج الكروب ولم ينجي ذانون سوى إخلاصه لمعبوده سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والإخلاص شرط في قبول توبة المنافق قال سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وكل عمل لم يقصد به وجه الله فهو سراب يضمحل وصاحبه لا للدنيا جمع ولا للآخرة ارتفع يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه والإخلاص أيها المسلمون أن تكون نيتك لله سبحانه وتعالى لا تريد غير الله لا سمعة ولا رياء ولا رفعة عند أحد ولا تترقب من الناس مدحا ولا تخشى منهم قدحا والله سبحانه وتعالى غني حميد لا يرضى أن يشرك العبد معه غيره فإن أبى العبد إلا ذلك رد الله عليه عمله قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que la sincérité est également un moyen qui permet d'avoir et d'obtenir une issue favorable lorsque les portes se ferment devant nous. Et c'est notamment ce qui a sauvé Yunus alayhi salam lorsqu'il était dans le ventre de ce poisson. C'est sa sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi Allah azza wa jalla dit à son sujet lorsqu'il a dit dans les ténèbres de ce poisson, nul ne mérite d'être adoré que toi. Purifié sois-tu, je faisais partie des injustes. La sincérité est également une condition pour que le repentir de l'hypocrite puisse être accepté. Allah Azza wa Jalla dit selon le sens, les hypocrites sont dans les profondeurs les plus basses de l'enfer. Et tu ne trouveras là-bas aucun secoureur pour eux, hormis ceux qui se sont repentis, qui se sont réformés et qui se sont attachés à Allah et qui ont été sincères dans leur religion, c'est-à-dire dans leur adoration à Allah Azza wa Jal, alors ceux-là seront avec les croyants. Et tout acte dans lequel la face d'Allah Azza wa Jal n'est pas recherchée n'est qu'un mirage qui est amené à disparaître. Et celui qui adore Allah Azza wa Jal sans sincérité, ni il n'amasse dans cette vie d'ici-bas, ni il n'est élevé dans la vie de l'au-delà. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'accepte un acte, Allah n'accepte des actes que ceux qui sont sincères pour lui et ceux qui sont accomplis dans le but de rechercher sa face subhanahu wa ta'ala. Et sachez, chers musulmans et musulmanes, que la sincérité est le fait que dans ton intention, tu ne recherches qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne recherches aucune forme d'ostentation, aucune forme de renommée. Tu ne recherches dans ton acte aucune estime auprès des gens. Tu ne recherches pas et tu n'es pas à l'affût des remerciements et des compliments des gens. De même que tu ne crains pas les critiques de qui que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala est le tout riche. Allah azza wa jal est celui qui n'a besoin de rien. Mais toute créature et toute chose a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal n'accepte pas qu'on associe avec lui autre que lui subhanahu wa ta'ala. Et si les personnes s'obstinent à prendre des associés avec Allah azza wa jal, alors Allah azza wa jal rejettera ses actions. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Qudusi, Allah azza wa jal a dit: je suis celui qui se passe le plus d'associés. Je suis celui qui n'a nul besoin d'associés. Celui donc qui accomplit une œuvre en associant dans celle-ci autre que moi, je le délaisserai, lui et ce avec quoi il m'a associé. أيها المسلمون، العمل الصالح إذا كان كثيرا مع فساد النية يورد صاحبه المهالك، فقد أخبر الله عز وجل عن المنافقين أنهم يصلون وينفقون، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم يتلون كتاب الله. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر. متفق عليه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق بماله، الذين لم تكن أعمالهم خالصة لله، وإنما فعلوا ذلك ليقال فلان قارئ وفلان شجاع وفلان متصدق. والعمل وإن كان يسيرا يتضاعف بحسن النية والصدق والإخلاص، ويكون سببا في دخول الجنات. يقول عليه الصلاة والسلام: مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغية رأت كلبا يطيف بركية كاد يقتله العطش، فسقته بموقها ماء فغفر الله لها. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que les actes vertueux et pieux, même lorsqu'ils sont en grande quantité, lorsque l'intention est mauvaise, alors elle provoque la perdition de la personne. Le prophète sallallahu Allah azza wa jal nous informe au sujet des hypocrites qu'ils prient et qu'ils donnent en aumône. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe au sujet des hypocrites qu'ils lisent le Coran et la parole d'Allah azza wa jal. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: et l'exemple de l'hypocrite qui lit le Coran est comme le basilic, son odeur est bonne, mais son goût est amer. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique rapporté par l'imam muslim, selon le sens, que les premiers qui seront jetés en enfer le jour du jugement seront un lecteur du Coran, une personne qui lutte dans le sentier d'Allah et une personne qui dépense de son argent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que ces personnes, leur intention n'aura pas été sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais chacun aura accompli ses actes afin d'être élogé par celle-ci, par ceci. Afin, celui qui lisait le Coran lisait pour que l'on dise un tel est un lecteur. Celui qui luttait dans le sentier d'Allah, il luttait dans le sentier d'Allah pour que l'on dise un tel est vaillant. Et l'autre, il dépensait de son bien pour que l'on dise qu'il est généreux. Et sachez que les actes, même lorsqu'ils sont en petite quantité, mais qu'ils sont associés et accompagnés d'une bonne attention et d'une sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, alors ces actes minimes soient-ils peuvent faire entrer la personne au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans le hadith rapporté par l'imam muslim qu'un homme est passé à proximité d'une branche qui était tombée sur le chemin et il a dit par Allah, je vais enlever cette branche afin qu'elle ne blesse pas les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il est entré au paradis. Il nous informe aussi alayhi sallallahu alayhi wa sallam qu'une prostituée qui a vu un chien tourné autour d'un puits qui allait presque mourir de soif. Elle a alors abreuvé en prenant de l'eau à l'aide de sa chaussure et Allah Azza wa Jal lui a pardonné par ce geste. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون والمسلمات وكلما أخفي العمل كان أقرب إلى الإخلاص قال الله جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم يقول بشر بن الحارث لا تعمل لتذكر اكتم الحسنة كما تكتم السيئة وفضلت نافلة الليل على نافلة النهار واستغفار السحر على غيره لأن ذلك أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص وبعض الناس يظنون أن الإخلاص مقصور على الصلاة والصدقة والحج دون غيرها من الأوامر ومن رحمة الله عز وجل ورأفته بعباده أن الإخلاص يستصحب في جميع العبادات والمعاملات ليثاب العبد على جميع حركاته وسكناته فزيارة الجار وصلة الرحم وبر الوالدين هي مع الإخلاص عبادة وفي جانب المعاملات من الصدق في البيع والشراء وهو في حسن عشرة الزوجة والاحتساب في إحسان تربية الأبناء كل ذلك مع الإخلاص يجازى عليه بالإحسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحي البخاري ومسلم ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que plus les actes sont cachés et plus ils sont propices à être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi Allah azza wa jal a dit dans son noble livre selon le sens, en parlant des aumônes, si vous donnez ouvertement, c'est-à-dire devant les gens, vos aumônes, cela est bien. Et c'est mieux encore pour vous si vous êtes discret avec elles. Il est autorisé de donner une aumône aux yeux des gens. Mais le mieux et de donner l'aumône et de la cacher, afin que les gens ne te voient pas, et ne voient pas cette adoration par laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, car cela te permettra d'être plus sincère dans tes actes envers Allah subhanahu wa ta'ala. Bishr ibn al-Harith a dit, n'agis pas afin que l'on te cite, mais au contraire, cache tes bonnes actions, comme tu caches tes mauvaises actions. Et c'est notamment pour cela que les prières surérogatoires de nuit sont meilleures que les prières surérogatoires du jour. Et c'est pour cela que la demande du pardon avant l'heure du fajr est meilleure que la demande du pardon dans tout autre moment de la journée. Car le fait d'adorer Allah Azza wa Jalla la nuit permet à la personne d'être plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui permet à ses actes d'être encore plus sincères envers leur Seigneur. Et certaines personnes pensent que la sincérité est restreinte uniquement à la prière ou à l'aumône ou au pèlerinage ou tout autre ordre et commandement. Mais la miséricorde d'Allah azza wa jalla est bien plus vaste et l'intention, lorsqu'elle est associée à toute forme d'adoration et à toute forme de transaction, eh bien, le serviteur sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi le fait de visiter son voisin, le fait de nouer, de préserver les liens de parenté, le fait d'être bon envers ses parents, tout en étant sincère, cela est considéré comme une adoration. Également dans les transactions, lorsque tu es véridique, lorsque tu vends une marchandise, lorsque tu es véridique, lorsque tu achètes, lorsque tu es sincère dans ton bon comportement envers ton épouse, lorsque tu espères la récompense d'Allah Azzawajal, de par cette éducation minutieuse que tu offres à tes enfants, eh bien tout cela, lorsqu'il est accompagné, et tout cela, lorsque cela est accompagné de la sincérité envers Allah Azzawajal, eh bien tu seras récompensé pour cette bienfaisance. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a pas un bien que tu dépenses dans lequel tu espères la récompense d'Allah Azzawajal sans que tu ne sois récompensé. Même la bouchée que tu places dans la bouche de ta femme. Thumma alamu anna ar-riya'a yufsidu at-ta'ata wa yuhbitu ath-thawab wa huwa min aqbahi sifati ahli an-nifaq. Yaqulu Allahu ta'ala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila wa huwa min ashadd al-abwab khafa'a. وصفه ابن عباس رضي الله عنهما بقوله أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف الأرياء على أمته وحذرهم منه، قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي، يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، رواه الإمام أحمد. فالرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que l'ostentation détruit l'adoration et fait en sorte que la récompense est exterminée et anéantie. Et c'est ce qui caractérise le mieux les hypocrites. Allah Azza wa Jalla, en parlant des hypocrites, dans Sourate An-Nisa, notamment lorsqu'ils se lèvent pour prier, Allah Azza wa Jalla dit son le sens, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. Ils évoquent à peine Allah. Ils évoquent à peine Allah. Et nul doute que l'ostentation, chers musulmans et musulmanes, fait partie des choses les plus subtiles. Les choses les plus subtiles, au point que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit, en parlant de l'ostentation, qu'elle est plus cachée qu'une fourmi noire sur un rocher noir dans une nuit sombre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a craint l'ostentation envers sa communauté et il a mis en garde sa communauté sallallahu alayhi wa sallam contre l'ostentation. Il dit alayhi salatu wassalam, voulez-vous que je vous informe d'une chose que je redoute plus pour vous que la tentation du faux messie? Ils ont dit, bien sûr, ô envoyé d'Allah. Autrement dit, bien sûr, informe-nous de cette chose que tu redoutes pour nous et qui est plus redoutée pour nous que la tentation du faux messie. Il a répondu alayhi salatu wassalam, c'est le polythéisme caché, ash-shirkul khafi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de donner un exemple afin d'illustrer cela et que cela soit clair et évident dans l'esprit de ses compagnons et des musulmans par la suite. Il a dit alayhi salatu wassalam, c'est le fait qu'un homme se lève pour prier et il embellit sa prière car il sait qu'un homme le regarde. Ainsi, l'ostentation, chers musulmans et musulmanes, est plus redoutée chez les vertueux, chez les croyants les pieux, ceux qui adorent Allah Azza wa Jal et ceux qui se dévouent pour leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Eh bien, l'ostentation est plus redoutée chez eux que la tentation du faux messie. Nasallallahu Azza wa Jal أن يجعلنا من المخلصين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.